Vendredi 15 mars 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler évidemment du 9e art. Et cette semaine, on portera deux regards bien divergents, en fait j'ai l'impression, en termes de style et d'univers qu'on vous proposera de découvrir. Alors notamment, on ira lorgner du côté de la bande dessinée jeunesse, donc la courte échelle qui, on le sait depuis déjà quelques temps, donne sporadiquement là, des publications à saveur BD, et c'est le cas avec une sortie toute récente qui s'appelle « Les leçons du professeur Zouf ». Deux premiers tomes qui ont été offerts autour de la thématique de la santé et de la politesse, et c'est rendu avec beaucoup d'humour et beaucoup à travers le contre-exemple également. Alors, c'est dessiné par Iris, qu'on connaît évidemment, notamment, l'Hosticha, entre autres, et c'est scénarisé par Élise Gravel, qui est illustratrice, dessinatrice, qui a eu moult distinctions. Alors, Mme Gravel sera avec nous, donc, tout à l'heure, pour parler de cette nouvelle série. Également, de passage, en deuxième partie d'émission, il y aura Joël Sim du fanzine Le Bob. Donc, Le Bob qui offre présentement, du côté du Foubar, une exposition rétrospective qui s'appelle Sous influence, donc des planches d'une série de 8 BDistes, en fait, qui sont passés, qui collaborent toujours au fanzine Le Bob. Alors, on portera un regard sur cette exposition-là. Et également, en février dernier, le 25e numéro du Bob était publié, soulignant le 7e anniversaire du fanzine. Alors, on aura l'occasion également de revenir sur ce jalon important. Sinon, on va parler BD. J'aurai le plaisir de vous en parler. Et également, notre collaboratrice Anne-Marie Olivier sera avec nous tout à l'heure pour porter également des regards là-dessus. Et sinon, dans l'actualité, commençons par des nouvelles du Festival de la bande dessinée francophone de Québec qui commence déjà à lancer ses couleurs. On en a vu une d'ailleurs qui a été lancée hier dans le réseau des bibliothèques de la ville de Québec. Donc ce sera vraiment le manga qui sera à l'honneur au travers d'une série d'activités. Nous, on aura l'occasion d'en parler en cours de route, là, plutôt début avril, dans le cœur justement des festivités. Mais reste que pour l'instant, donc il y a des expositions qui ont été mises en branle. Également, plusieurs expositions qui ont été annoncées dans le réseau des bibliothèques de Québec qui vont commencer, elles, au début du mois d'avril. Une exposition sur Bonnie via le studio Première Ligne. Ça commence le 4 avril, c'est à la bibliothèque de la Canardière. Vous avez Passion Rougemane qui, elle, commence le 5 avril au Collège des Jésuites. Passion Rougemane, c'est une bande dessinée, un fanzine qui avait été créé par Philippe Girard à l'occasion du conflit étudiant du printemps dernier. Vous avez également une exposition d'étoiles, des planches de Jeff. Ça, c'est la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste. Donc, Jeff, à travers notamment l'univers de White Crows, l'univers également, on l'imagine, du crépuscule des dieux, et également des autres éléments qu'il explore pour notre plaisir. Sinon, déjà quelques noms également qui ont été annoncés du côté du festival, des auteurs français qui seront de passage, qui sont confirmés déjà, donc Libon, Pénélope Bayeux, Marc Bourgne, Capucine, alors ça c'est déjà annoncé. Côté Québec, on peut s'attendre notamment à Francis Desharnais, Réal Godbout, Voro, plusieurs nouveaux venus aussi, Ami Vaillancourt et Bruno Rouillère, qui ont fait une BD dont on parlera d'ailleurs en cours de route sur Charlebois et Lostit Show, Philippe Hébert, Simone également qui seront de passage. Alors déjà des noms, évidemment on en a beaucoup plus sur nos blogs et à l'émission au fil des prochaines semaines, et l'organisateur d'ailleurs du festival sera avec nous deux semaines avant l'événement pour nous offrir vraiment un panorama détaillé de tout ça. Sinon, autre nouvelle d'un tout autre registre, passablement triste évidemment, puisque un grand auteur BD est décédé au début du mois de mars. Il s'agit de Monsieur Didier Comès. Il est décédé le 7 mars d'une pneumonie à l'âge de 70 ans. Donc Il est entré à 16 ans comme dessinateur industriel, mais a commencé à réaliser quelques dessins en amateur. Sa carrière BD qui est véritablement démarré en 1969 avec Herman, une série de gags humoristiques publiée dans le supplément jeunesse du journal Le Soir. Suivront ensuite dans les années 73 Ergun l'Errant, L'ombre du corbeau en 76 et surtout son chef-d'œuvre qui est applaudi par tous en fait, qui s'appelle Silence, publié en 1979. Pour cette album-là, Comès avait abandonné la couleur pour les masses du noir et du blanc. Elle avait obtenu l'Alfred du meilleur album au Festival d'Angoulême en 1981. Et ce qu'on raconte autour de ça, et je cite, donc dernièrement, alors que je l'interrogeais, je cite François Schuiten, alors dernièrement, lorsque je l'interrogeais sur la façon dont il arrivait à des noirs aussi profonds et aussi parfaits dans ses planches, il me disait avec un sourire en coin qu'il accumulait ses vieilles bouteilles d'encre comme des bons crus. Avec le temps, leur densité lui permettait d'obtenir cette profondeur, ce souci de perfection révélait ses qualités de grand artisan, de maître incontestable du noir et blanc. Alors voilà, donc il y avait d'ailleurs eu une exposition à son honneur au Festival d'Angoulême en 2013. Alors ben voilà, donc pour ces notules en musique, eh ben on écoutera cette semaine des extraits de l'album I Prefer This Memory de la formation Mallow et on en écoute d'emblée un premier extrait, What a Beautiful Day for a Sail. Si vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, évidemment, on vous invite à nous suivre, notamment sur le site de socialisation Facebook. Donc, vous avez simplement à chercher facebook.com/ La Vie en BD. Vous allez nous trouver. Et ben nous, on retrouve au bout du fil notre collaboratrice Anne-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Et ben comme à l'habitude, quand t'es de passage, c'est pour nous parler BD. Deux titres cette semaine. Il y aura Tout sauf l'amour, mais commençons par Le Massacre. Ça va nous permettre de casser la glace. Voilà. Alors, Le Massacre, nouvelle parution de Simon Hureau. C'est chez La Boîte à Bulles, donc ça vient juste de paraître. Alors, allons-y pour le résumé. Alors, on est dans un encamp de trophées de chasse à Paris. Tout se passe bien jusqu'au moment où on va assister à une surenchère pour un cornage de buffles du Cambodge, donc qui n'est pas supposé donner lieu à une surenchère comme on va assister. On l'appelle en fait un couperet, pour être exact, qui passe pour une espèce d'animal mythique. Et donc, là, la question, est-ce que c'est la raison de toute cette effervescence ou il y a quelque chose de sous-jacent un peu? Alors, à partir de là, le lecteur va être amené donc à trouver un peu l'intrigue. C'est un récit qui est assez dense et très riche aussi d'informations, mais dont le nœud va mener à l'histoire tragique du Cambodge, c'est-à-dire les années du massacre des Khmers Rouges. Donc vraiment un pont vers l'histoire à travers ce récit-là. Et quand tu parles, Anne-Marie, de densité, est-ce que c'est de la bonne densité ou c'est de la mauvaise densité? Je dirais vers de la bonne densité. Au début, je trouvais que ça penchait plus vers la mauvaise densité. Je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop d'informations. Mais je dois dire que cet effet-là ne dure pas longtemps. J'ai été vraiment très agréablement surprise par ce récit. Je m'attendais pas à ça. J'ai été pris par l'histoire. Ça n'a pas trop pris de temps. Puis l'auteur, en fait, il tisse une enquête historique qui amène le lecteur dans la jungle du Cambodge. Puis par petites touches, il rattache son intrigue à l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, du massacre. massacre perpétré par les Khmer. Et c'est une BD qui est vraiment bien documentée, mais comme on dit, sans trop en faire quand même. À part peut-être le début qui est peut-être un peu confus, mais après ça, ça se clarifie très, très bien. Et le récit tient en haleine, ça dévoile son intrigue tranquillement. Un dessin assez efficace, à mon avis. Certaines cases ont beaucoup de détails, mais tu sais, sans trop surcharger la planche. Puis j'ai trouvé que c'est un espèce de trait nerveux, mais qui laisse assez facilement parler le récit. Donc un trait, on pourrait dire un peu croquis sur les côtés, ou quand même quelque chose d'assez... En fait, c'est que le récit tient quand même en haleine, donc on n'a pas un trait un peu, je dis nerveux, mais c'est pas une ligne claire. Il y a beaucoup de détails dans les décors notamment, sauf que ça va très bien avec le rythme là, que l'auteur a installé. Alors, c'est pas un dessin qui m'a dérangé, c'est en couleur et je trouve qu'il est en bonne adéquation là, avec le récit. Exactement. Donc, on réussit à faire le lien entre le rythme, le thème, le dessin. À part le début, donc c'est le genre de sujet, des fois, effectivement, où j'imagine qu'on se dit en tant que créateur, mais mon Dieu, comment je fais pour démarrer ça, pour bien établir les bases, puis ensuite, ben, passer justement au récit en tant que tel, entre guillemets, là. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnages. Comme je disais au début, c'est ça, c'est que c'est un brin confus, mais c'est pas illisible et ça prend pas de temps que l'auteur se démène bien pour que le lecteur reste accroché et jusqu'à la fin ça se lit vraiment très bien. J'ai adoré cette bande dessinée là. Alors on la recommande donc sans heurts. Oui. Alors ça s'appelle Le Massacre, c'est de Simon Hureau, c'est à la boîte à bulles, donc arrivée toute récente. Et Anne-Marie, maintenant on passe chez Futuropolis pour l'album Tout sauf l'amour. Voilà, donc un dessin de Frédéric Biel et un scénario de Toldac et Pierre Macquillot. Pour le résumer, c'est qu'on suit Nina, qui est depuis l'âge de 6 ans, qui est anédonique, c'est-à-dire qu'elle recherche complètement le contraire du bonheur. Alors, c'est un peu spécial. Et cet état-là est dû au fait qu'elle se sent coupable de la mort de sa mère lors d'une avalanche qu'elle pense avoir provoquée avec son rire d'enfant. Donc, en riant fort, l'avalanche a emporté sa mère devant ses yeux. Et depuis ce temps, elle ne vit plus et elle se consacre à se faire du mal, en fait. Donc, ça donne le ton à quelque chose, qui m'apparaît, pour ne pas l'avoir lu, là, qui m'apparaît quand même assez sombre, comme amorce, du moins. Oui, mais quand même, c'est sûr qu'on parle d'amour, donc thème archi développé de plusieurs directions, mais celui-là, je trouve qu'il amène quelque chose de nouveau, parce qu'on parle d'un aspect assez scientifique, parce que son père, donc le père de Nina, qui veut quand même son bonheur, va tenter de contacter une espèce d'agence de rencontre, mais qui se base sur des critères et des statistiques pour trouver des matchs parfaits. Mm-hmm. Alors, à partir d'algorithmes et de probabilités, il va tenter, en fait, de trouver le match qui va réussir à sortir Nina de son mutisme et de son état de zéro bonheur, en fait. Par contre, l'amour joue des tours, donc ce sera peut-être lui qui va se faire prendre au piège. Une petite BD sur l'amour, mais qui évite un peu la quétainerie là, qu'on pourrait penser. Oui, ben en fait, déjà avec des personnages quand même plus bien développés. J'imagine que d'emblée, ça aide aussi à éviter justement les écueils. Là. Oui, c'est ça. C'est bien travaillé. C'est un dessin qui est très réaliste, un très, très doux, des couleurs nuancées, un brin sombre, mais quand même assez lumineux. Il y a une belle recherche dans l'esthétique de la lumière. Et c'est une BD à lire avec un bon chocolat chaud, puis une bonne tisane, puis une bonne doudou. Alors, et ça aussi, donc on recommande ça pour une belle lecture de dimanche matin, par exemple. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment une BD qui pourrait faire office là, d'adaptation au cinéma. Tu sais, il y a une recherche assez cinématographique, puis le sujet se prêterait bien à ce genre d'adaptation. Ah. Alors ça, c'est donc de Biel, de Toldac et de Macchio. Oui. Donc, Tout sauf l'amour chez Futuropolis. Voilà. Anne-Marie Olivier, on se dit à très bientôt. Eh oui, merci. Salut bien. Au revoir. Alors voilà, c'était Anne-Marie Olivier avec ses commentaires BD, toujours ici à l'émission La Vie en BD. Et voilà toujours des extraits de la formation Marlow qu'on entend ici à CKRL tirés de leur album I Prefer This Memory. Et d'ailleurs, on fait fidèle à nos habitudes des albums qui sont disponibles en téléchargement, notamment via le site bandcamp.com. Et maintenant, on a le plaisir d'être rejoint au bout du fil par la scénariste des albums, en fait, des deux nouvelles BD jeunesse, donc, qui sont offertes du côté de la courte échelle. Donc, les albums s'appellent Les leçons du professeur Zouf, donc tome 1, La politesse, tome 2, La santé. Donc, c'est dessiné par Iris et scénarisé par Élise Gravel. Bonjour. Bonjour. Et en fait, l'univers du professeur Zouf, d'ailleurs, j'ai l'impression, en fait, si on avait à le décrire, qu'on pourrait dire que c'est un peu l'idée de prêcher par le contre-exemple. Ben exactement. C'est un genre de gros dégueulasse pour enfants. Fait qu'il est un petit peu moins dégueulasse que celui de Rezer. Et c'est un personnage qui est complètement le pire exemple que des parents pourraient vouloir pour leurs enfants, à la fois pour la politesse et pour la santé. Puis il va nous enseigner dans ses livres comment tout faire, parce que c'est un expert en tout en même temps. Donc ça donne le ton et le genre de conseil, c'est de dire, ben exemple, si tu veux avoir des bonbons, ben écris plus fort, puis c'est certain que tu vas finir par en avoir. Oui, ou répète-le 500 fois jusqu'à temps que ton adversaire perde patience. Et d'où est venue l'idée, justement, d'amener ce type de thématique-là par, justement, ce type de personnage-là? Je me souviens pas d'où est venue l'idée. J'ai tout le temps à peu près 52 projets en branle, puis celui-là, il était sur des tablettes depuis longtemps quand j'ai rencontré Iris puis que je lui ai suggéré. Donc je me souviens plus en fait qu'est-ce qui m'a donné l'idée, mais ça fait partie un peu de mon modus operandi, là, de faire des parodies. Mes autres livres pour enfants, c'est toujours pas mal humoristique. Il y a des parodies de publicité, des parodies de guide pour élever son monstre. C'est tout le temps des. Je me moque un petit peu de trucs qui existe déjà. Puis ça me tentait de faire des guides, une série de guides sur tous les sujets. J'avais vraiment plein d'idées là, par rapport à l'école, les devoirs, les sports, tous les sujets possibles et imaginables, mais avec toujours une optique vraiment bizarre, absurde, puis en fait, le contraire de ce qu'on s'attendra à voir dans un guide comme ça. Et justement, en fait, parce que ça réfère autant à notre enfance qu'à celle qu'on voudra que nos enfants puissent avoir, et souvent, mais dans le type de livre autour, justement, de thématiques comme ça, mais c'est souvent un vrai moralisateur. En fait, on donne des beaux exemples de gens qui sont parfaits. Et j'ai trouvé agréable, justement, l'idée de passer par l'inverse. J'ai l'impression qu'on évite aussi l'écueil de faire des récits moraux, des récits moralisateurs, des récits moralistes. Oh, je déteste la morale en tant qu'enfant et qu'ex-enfant. J'ai jamais vraiment aimé ça quand on me disait quoi penser, quoi faire. Quand j'étais jeune, je me sens que j'avais déjà une écœurante titre de me faire dire quoi penser. Puis en tant que créatrice, j'essaie de faire des livres pour l'enfant que j'étais, là, des livres qui respectent mon intelligence, puis qui respectent l'idée que je peux penser par moi-même, puis trouver la morale qui me plaît finalement là-dedans. Mm-hmm. Et surtout que j'ai l'impression que les enfants, et quand on a la possibilité de parler comme ça avec des auteurs jeunesse, quel que soit le domaine, autant théâtre que littérature et autres, on nous dit toujours, ben justement, les enfants s'en rendent compte si on leur parle de haut aussi, et si on les prend pour ce qu'ils ne sont pas, au bout du compte, là. Oui, puis il y a ça, puis il y a le fait aussi qu'ils en ont en masse, là, des manuels pédagogiques puis didactiques, puis ils l'entendent là, à tous les jours, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. On leur barre ça épais, là, le pédagogique. Je pense qu'ils en ont assez, des manuels scolaires. Quand on lit, en tout cas moi, quand je lis, c'est pour le plaisir, c'est pour me détendre. Puis si j'ouvre un livre puis que je vois tout de suite que c'est écrit en grosses lettres, on va me dire quoi penser, mais je veux pas avoir envie de lire ça. Là. J'ai envie de lire des trucs qui me font rire, qui me font sortir de mon cadre ordinaire, puis c'est ce que je voulais offrir aux enfants aussi. Et quand même, quand on s'est lancé dans cette piste-là, parce que je suis tombé sur une critique qui mentionnait en disant que les albums étaient très bons, mais que quand même, peut-être, il y aurait le risque que l'enfant décide d'essayer le contre-exemple qui est présenté. Est-ce que c'est une question qu'on se pose, ou est-ce qu'on fait confiance, justement, aux enfants pour être assez assez intelligent pour se rendre compte que c'est peut-être pas le comportement émulé. Ben moi, c'est sûr que si tu me demandes ça à moi, je fais confiance aux enfants. Évidemment, là, si j'ai écrit ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez intelligents pour le comprendre. Je pense que le risque, c'est pas qu'ils l'essaient puis qu'ils se disent « Oh, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Je pense que le risque, c'est qu'ils soient scandalisés. Puis ça, j'ai déjà eu des témoignages de parents qui m'ont dit que leur enfant, puis même des grands là, de 11 ans, là, ils avaient lu ça, puis après ça, ils regardaient leurs parents « J'ai-tu le droit de lire ça? » Il y a des insultes, c'est dégueulasse. Puis ils étaient pas sûrs. Puis une fois que les parents leur ont dit « Ben oui, je sais que c'est une blague, les enfants, ils lisaient avec plus de plaisir après. » Mais ça, je pense que c'est le plus grand risque pour les enfants qui sont pas habitués à ce type d'humour-là. Mais les enfants à qui je l'ai lu, moi, il y en a aucun qui a pensé que c'était sérieux, là. C'est impossible de penser ça, là, à moins que tu lises à un enfant de 2 ans, là. C'est pas la clientèle cible. Non, effectivement. Puis le personnage, en fait, faut dire, le professeur Zouf, vous l'avez monté, vous lui avez donné à peu près tous les défauts, là, de oui, la paix d'entrée. Ou, là. Non, non. Ben, il est sympathique, mais il est sympathique parce qu'il est tellement extrême, mais il pourrait être attachant à la limite, là, mais il est vraiment dégueu, là. Et justement, pour une auteure, il doit avoir un plaisir à écrire, à créer un personnage qui se veut justement un être aussi abject d'une certaine façon, là, donc de s'amuser à lui donner à créer ces défauts-là, puis ces propos qui entourent les défauts aussi. Oui, ben, il faut que je précise que je suis pas la seule à avoir créé le personnage. Non, c'est avec vraiment Iris avec aussi. Iris, là, elle est pas seulement illustratrice là-dedans, elle est aussi co-auteure, elle a eu beaucoup de son mot à dire dans la création du personnage, puis ça a été très, très drôle, c'est vrai, là, ça a été super drôle de l'inventer, de penser de quoi il aurait l'air physiquement, ça serait quoi ses habitudes. On aime beaucoup l'idée qu'il insulte le lecteur, ça, je trouve ça super. En tant que lectrice de San Antonio, je trouve ça bien drôle, moi, les auteurs qui nous insultent quand on les lit, là. Je trouvais que c'était une approche le fun, puis j'ai vraiment aimé ça. Je l'aime, moi, dans le fond, ce professeur Zouf, là, même s'il est complètement détestable, je le trouve très drôle. Oui, ben c'est justement, il est tellement détestable, vous l'avez dit, qu'il en devient drôle, qu'il en devient attachant aussi, oui, d'une certaine façon. Et vous avez devancé, Lise Gravel, ma prochaine question. Je me demandais justement, ben vous l'avez dit, donc c'est vraiment une collaboration à quatre mains entre vous et Iris, oui, dans la composition, dans la création, dans le développement de tout ça. Oui, oui, oui. Ah oui, elle a plus que la moitié de la job là-dedans, parce que premièrement, l'illustration, c'est ça qui est le plus long à faire dans une bande dessinée, là. C'est elle qui a fait le découpage, c'est elle qui a fait, puis qui a apporté beaucoup d'idées aussi quand ça fonctionnait pas. Elle a ajouté des blagues, puis elle a vraiment collaboré énormément, là. Je pourrais dire qu'on est co-auteur puis qu'elle est l'illustratrice. Et qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ensemble? Une rencontre dans un café où on jasait de notre job, puis que moi ça m'arrive, j'ai énormément de projets en tant qu'illustratrice, j'en ai trop, je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire, puis Iris m'a tout de suite paru la personne idéale pour faire celui-là. Je trouvais qu'elle avait l'humour pour ça, puis qu'elle était vraiment l'illustratrice parfaite, puis ça y tentait, puis ça a été vraiment comme une espèce de coup de cœur des deux côtés, là, pour faire celui-là ensemble. Ça a vraiment bien fonctionné. Et parce que souvent des fois, il y a des gens, justement, qui sont déjà aussi scénaristes et dessinateurs, qui arrivent un peu pour collaborer avec un autre dessinateur, et où, dans le fond, c'est difficile de lâcher prise un peu sur un volet qu'on est habitué d'intégrer. Dans votre cas, de ce que j'en comprends, ça s'est bien passé. Oui, bien, Iris aussi est auteur, oui, de son côté. C'est ça, les deux, on est auteur et illustratrice. Mais oui, ça s'est super bien passé parce qu'on a vraiment une compatibilité de l'humour, puis c'est super facile de travailler avec Iris, là. Elle est vraiment professionnelle, sympathique. Il n'y a pas eu de friction du tout, là. Ça va super bien. En général, ça se fait autour d'une bière. On discute de ce qui va arriver à ce bonhomme-là, puis c'est notre enfant qu'on a fait ensemble. Et j'imagine, côté brainstorming, c'est l'idée de trouver, en fait, des situations, puis toutes les attitudes un peu incorrectes qu'on pourrait imaginer autour, oui, de celle-là, puis après ça, de les sélectionner. Ou... C'est ça. Ben, ce qu'on a fait pour... Là, on est en train de faire celui... En fait, Iris est en train d'illustrer celui sur l'amour, qui est notre prochain, qui va être très drôle, en passant. Et celui-là, comment on a fait, c'est que j'ai créé une structure, là, de quel sujet on devrait aborder, finalement, comment rencontrer une fille, parce que ça s'adresse aux garçons, là, qui veulent se faire une blonde. À quoi ça sert, premièrement, avoir une blonde? Comment on en rencontre une? Qu'est-ce qu'on fait quand on en a une? Qu'est-ce que ça veut dire être romantique? Comment traiter son amoureux, son amoureuse? Puis là, j'ai fait une espèce de squelette comme ça, puis on s'est assis autour d'une bière, puis on a inventé des blagues. Puis ça a été vraiment... C'est vraiment ça, là. Ça se fait en peu de temps, puis après ça, tout de suite après, on a rédigé ça, puis Iris a fait le découpage, puis ça c'est très rapide, là, de faire ça, parce que c'est comme un brainstorming... Mm-hmm. en deux temps. Là. Oui, puis la structure, le son, dans le fond, aide un peu à structurer justement d'emblée les albums qui ont toujours un peu l'esprit court, l'esprit pédagogique, entre grands guillemets. Oui, c'est ça, c'est assez facile de faire la structure parce qu'on a juste à se baser sur les guides existants. Là. Qu'est-ce qu'on retrouverait dans un vrai guide sur l'amour ou sur la politesse ou tout ça, puis on fait juste le prendre puis le faire à l'envers. Puis évidemment, il y a des petites surprises qui arrivent, comme dans celui sur l'amour, il y a la femme du professeur Zouf qui apparaît, qu'on n'avait pas vu avant. Puis ben là, il a fallu qu'on invente de quoi a l'air sa femme. C'est qui? Pourquoi être avec lui? On ne le sait toujours pas, finalement. Mais ça a été... C'est toutes sortes de surprises qui arrivent comme ça, puis il y a des nouveautés qui se passent sans qu'on l'ait prévu, là, des noms de personnages qui arrivent, Iris est super bonne pour inventer des personnages, finalement, puis c'est figurant, il y a des figurants partout, là, dans Professeur Zouf, là, qui servent de cobayes, puis ils sont toujours super drôles. Moi, je suis toujours contente de les voir arriver, je les avais pas imaginés avant, puis quand je les vois dans le livre, c'est trippant. Et vous l'avez dit au départ, en fait, justement, l'utilisation de l'humour comme ça, au fil de vos albums, c'est un peu, je dirais pas votre marque de commerce, mais d'une certaine façon, c'est une manière par laquelle vous avez réussi en tant que scénariste, en tant qu'illustratrice aussi, à vous démarquer un peu dans ce milieu-là, qui est aussi assez fécond, autant au Québec qu'aux États qu'en France. Il y a énormément de productions jeunesse, là. Oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est énorme. Mais je pense que ce qu'il y a de spécial dans mes livres, c'est que je fais des blagues qui sont pas politiquement correctes ou qui sont toujours poussées un petit peu plus loin que ce qui rentre dans les classes ou dans les livres pour enfants d'habitude. Puis les enfants sont surpris. Puis je pense que je réussis à attirer les enfants avec l'élément de surprise. Puis les enseignants, les parents, quand tu vois que les enfants accrochent, ben ils embarquent aussi parce que évidemment le but de tout le monde là-dedans, c'est que les enfants s'amusent à lire. Là, puis je pense que c'est une bonne façon. En tout cas, moi, je sais que ça aurait été une super bonne façon de m'attirer quand j'étais petite. Puis je lisais énormément de bandes dessinées. Puis plus c'était drôle, plus c'était absurde, plus j'aimais ça. Donc, c'est ça de répéter un peu la même formule les enfants. Mais donc, ça veut dire qu'au départ aussi, sachant qu'on dépasse un peu les limites habituelles, mais c'était un peu de prendre un risque aussi quand vous avez choisi de vous lancer un peu dans cette ligne-là. Ben, je pense pas que je prends des risques maintenant. Là, ça fait 25 livres pour enfants que je fais qui sont début, toujours bien. Au début, là. Au début, oui. Au début, ben en fait, c'était complètement lancer une bouteille à la mer. Là, j'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Mes premiers livres ont été des surprises même pour moi. Là, c'était un portfolio que je m'étais inventé, qui est devenu un livre pour enfants. Puis après, ben j'ai vu que ça, écoute, il y avait une réception pour ça. Puis les enfants étaient enchantés, leur prof aussi. Puis je me suis dit bon, ben j'ai eu de la piqûre. Puis je me suis dit ça marche, là, ça fonctionne. Les enfants en veulent. Puis je suis jamais irrévérencieuse au point d'être insultante ou de faire de la peine. Là. C'est toujours calculé soigneusement. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des gens qui se sentent visés par ça, là, évidemment. Oui, puis à la c'est limite, toujours humoristique, mais léger en même temps. Oui, puis à la limite, en fait, j'ai l'impression que cet axe-là, en fait, de ce que j'en ai vu dans Zouf et dans d'autres aussi, c'est que ça vous donne une ouverture vers, j'ai l'impression, un plus grand champ de sujets aussi, des plus graves aux moins graves, des trucs qui pourraient être plus moralisateurs ou moins moralisateurs. Ça vous donne un plus grand terrain de jeu à cause de ce traitement par l'humour. Là, j'ai l'impression, quand je travaille, moi, que j'ai un terrain de jeu infini, là, comme je te disais tantôt, j'ai tellement de projets que je sais plus par lequel commencer. J'ai beaucoup, beaucoup trop d'idées pour ce que je peux produire puis pour ce que les éditeurs peuvent produire aussi. Fait que moi, j'en finis plus là, de trouver des idées de livres, mais en même temps, il y a des sujets, il y a des sujets dans lesquels je m'aventurerai pas. Là. Je vais jamais dans ce qui est vraiment très grave parce que je suis pas capable. Là. Moi, j'ai besoin que ça soit drôle. Puis si j'aborderai pas des sujets vraiment graves comme la guerre, là, le cancer, parce que je suis pas capable de rire de ça. Là. Fait que je peux juste prendre des sujets en fait qui touchent pas mal tous les enfants puis qui sont des sujets desquels on peut rire. Là. Et ben vous l'avez dit, vous avez énormément de projets. Donc là, il y a les deux professeurs Zouf qui viennent d'arriver, donc la politesse et la santé. Il y a déjà, de ce que j'en comprends, donc le troisième, l'amour, qui s'en vient aussi très bientôt. Est-ce que c'est une série qui risque de se poursuivre aussi? Ah oui, on n'en finit plus d'avoir des idées. On a l'école, les sports, la famille. On a super hâte de faire la famille, là, le temps des fêtes, comment survivre et tout ça. Là. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser. C'est une série qui va avoir une longue vie. On avait même eu envie, là, mais je sais pas si ça va se concrétiser, mais de faire le professeur Sarzouf et la politique, à un moment donné. Je ne sais pas si on va le faire, mais ça serait très drôle. On surveille tout ça, et évidemment, vous l'avez mentionné aussi, une pléiade d'autres projets en parallèle. Oui. Alors, Élise Gravel, d'ailleurs, si les gens veulent vous suivre un peu et rester au courant de ce que vous proposez, mais elisegravel.com et vous avez Facebook et Twitter aussi. Énormément sur Facebook à cause de la possibilité de mettre des images, là. Donc, ma page Élise Gravel, auteure-illustratrice, est super active et même hyper active. Alors, on invite les gens à aller vous y rejoindre. Élise Gravel, merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. Au revoir. Alors voilà, je rappelle Élise Gravel, donc qui est scénariste donc des leçons du professeur Zouf. C'est à la courte échelle, donc dessiné par Iris. Et avant d'aller vers la pause publicitaire, peut-être petit commentaire autour du dernier tome de 13. En fait, il y a quelques semaines, j'ai parlé des nouveaux Torgal, en fait, les mondes de Torgal. Donc, ces reprises par Yves Saint, entre autres auteurs des séries classiques de Jean Van Hamme. Et il y a également 13, en fait, qui a été repris par Saint et donc le mythe de cet agent qui est en fuite, qui est traqué par les autorités, ben continue de grandir, continue de prendre de plus en plus de place. Et ben, un nouveau tome donc qui est arrivé chez Lombard, qui poursuit donc dans cet axe-là, qui est un peu, en fait, je dirais un peu paradoxal d'une certaine manière, dans la mesure où à la première lecture, bon, on suit, on plonge et ça déboule. C'est quelque chose qui va très rapidement. Il y a énormément de rebondissements. Donc, on suit là-dedans, on plonge, un peu comme dans ces gros films d'action qu'on peut voir l'été au cinéma. Et une fois qu'on a donc terminé les pages et qu'on se met peut-être à penser un tantinet à ce qu'on vient de lire, à ce qu'on vient de découvrir, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte de la quantité peut-être de petits éléments, de petites improbabilités, si on peut dire, qu'on y découvre. Et parallèlement, on commence à se dire, ben mon Dieu, est-ce que c'est encore le même 13? Donc, dans la mesure où dans Torgal, ben en fait, ça suit, ça se tient, ça reste dans la même logique, mais dans 13, c'est devenu un héros d'action, peut-être un peu plus classique que ce que c'était au départ, malheureusement. Et donc, ce qui fait que on se retrouve donc dans des rebondissements qui sont surabondants, qui sont improbables, qui sont disproportionnés, dans une intrigue qui est tarabiscotée, ce qui fait que on est incapable, après la première lecture, on plonge dans tout ça, de le relire une deuxième fois sans le prendre avec une distance peut-être un peu amusée, de voir un peu 13, justement, qui est tombé dans le piège, en fait, de ces héros d'action invincibles qui réussiront à contrecarrer à peu près tous les plans qui se montrent contre lui. Et donc, c'est un peu malheureux là-dessus. Reste que, quand même, si vous êtes un fan de la série, ben ça fonctionne pour une première lecture. On se retrouve en Afghanistan, on va sauver plein de monde, ça grouille, ça court, ça saute, ça explose. Mais par contre, malheureusement, les deuxièmes lectures, ça passe peut-être un peu moins. Alors, à vous de voir si c'est un investissement que vous avez envie de faire. Donc, ce dernier 13 qui est scénarisé par Yves Saint et dessiné par Yuri Jigounov. Et nous, on prend une courte pause au retour. Joël Sim, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Et on vous rappelle également que vous pouvez nous trouver sur les blogs, donc lavieenbd.wordpress.com. Le 4 avril se tiendra le tout premier cocktail bénéfice de l'histoire de CKRL à l'hôtel Château Laurier. Cette soirée donnera le coup d'envoi à la grande fin de semaine du Radioton annuel. La soirée bénéfice est au coût de 125 $. L'orchestre Dom Orchestre vous en mettra plein la vue et vous pourrez participer à notre encan silencieux. Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site

Non, c'est intéressant, en fait, de voir un peu, autant on peut se faire influencer par les albums qu'on a lus, autant on peut se faire influencer par les gens qu'on côtoie, par d'autres éléments aussi, on l'imagine. Donc, ça devient un thème assez amusant à explorer. J'imagine aussi, en tant que coordonnateur d'une expo comme ça, à être surpris de ce que les auteurs vont proposer. Ouais, à ce niveau-là, c'est clair, j'ai vraiment été surpris, puis je m'y attendais un peu, mais c'était vraiment une belle découverte de voir à quel point tous les auteurs du Bob ont des influences totalement différentes. Ça, il y a quelques trucs qui reviennent à Astérix, Dragon Ball, mais d'un point à l'autre, c'est vraiment très différent, comme Alex A qui a fait un truc avec Superman. Moi, j'ai fait un hommage à la série Donjon, le West Randim, Johannes Fahre. Puis, d'un autre côté, on a certains auteurs qui sont vraiment allés très jeunesse, comme Julien Dufour qui a produit un truc de Pedzi. Puis, Matar Dog, un truc de Sibylline. BD que je connais pas, mais j'ai vu souvent quand j'étais jeune. Oui, en fait, puis est-ce que ça a été facile, justement, de les trouver, ces auteurs-là, quand tu les as sollicités, tu leur as présenté, est-ce que c'était un peu un appel à tous? Est-ce que tu as fait une sélection? Ben, j'ai fait un appel à tous. En fait, les huit auteurs qui sont dans l'expo, c'est les huit auteurs qui sont dans le numéro 25, presque sans exception. Donc, ça permet de faire des ponts entre le dernier puis l'expo, puis entre les activités aussi autour de ça. Puis en même temps, je pense qu'aussi, avoir les noms, c'est des auteurs qui reviennent quand même aussi assez régulièrement au fil des numéros, là, quand même. Ça dépend. Il y a eu plusieurs générations, mais le groupe qu'on a présentement à l'expo, c'est vraiment la dernière qui tire du numéro 20 à 25 à peu près. Mais dans le numéro 25, j'ai des nouveaux venus comme Saturnum puis Vincent Gérard qui avait déjà participé auparavant, mais qui est de retour dans ce numéro. Oui, parce que ça vaut la peine d'ailleurs, quand on creuse, on va gratter un peu dans les anciens numéros du Bob. Ça fait quand même à peu près 7 ans, 25 numéros. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, par le fanzine. Beaucoup de gens. Peut-être 20 à 30 personnes, mais si on considère la série Exercice de style, ça, à chaque numéro, on a des invités pour une page, mais là, ça en fait un bon paquet. Là, mais en général, on a eu toujours comme à trois générations différentes un noyau de 4-5 personnes avec beaucoup de pistes autour. C'est ça, ceux qui produisent plus puis ceux qui fournissent de temps en temps, que ce soit dans des éléments conceptuels, que ce soit plus une BD par-ci par-là. Parce que c'est facile justement de trouver des gens pour collaborer au Bob. Bon, en fait, ça se fait de deux façons. D'un côté, il y a du monde qui vient me voir. Je communique avec les auteurs sur Internet en général. Mais puis d'un autre côté, des fois, je vois des auteurs puis je fais « Ah, celui-là, il fitrait vraiment dans le Bob. » Puis d'un certain côté, je vais les contacter comme Matar Dog, c'est lui qui est venu vers moi. Puis Saturnum, le nouveau, j'ai vu son blog puis j'ai fait « Non, lui, il faut ça dans le Bob. » J'allais dire dans le blog. parce que reste que justement, il y a un côté quand même assez absurde, peut-être, à l'univers, aux planches, aux histoires qu'on trouve dans le Bob. C'est un peu l'élément... En fait, j'essaie de trouver un élément qui unissait un peu... Bon, au début du Bob, je voulais que la ligne directrice se fasse d'elle-même par les auteurs. On avait quand même une petite ligne. Au début, il y avait comme un sous-titre au Bob. C'était humour, absurde et aventure. Puis finalement, le côté aventure a beaucoup été mis de côté, puis le côté absurde a explosé, mais avec des auteurs comme Alex A, c'est incontrôlable. Et il y a un plaisir, j'imagine, à faire de l'absurde en BD, parce que toi, ton personnage, le Bob, justement, c'est quelque chose d'assez surréaliste là, par moment. Oui, c'est sûr. Mais l'absurde, c'est un plaisir à faire. Ça, je sais pas si ça plaît à tout le monde, mais oui, c'est le fun à faire. Et comment on aborde, justement, parce que le défi, c'est de bien le faire aussi, c'est que ça soit pas, j'imagine, trop n'importe quoi, mais que ça soit assez absurde pour faire sourire de « ils ont fait ça où on s'en va ». J'imagine qu'il faut quand même pas mal d'analyse après ça, après avoir fait un truc, pour être sûr que ça marche bien avant de le proposer. Ou? Je sais pas. Je pense que la plupart du monde se laisse aller, puis moi, je pense que c'est pour faire un bon produit, il faut se faire du fun, puis ça arrête là d'une certaine manière, mais l'absurde, ça peut divaguer au point de devenir abstrait, puis dans ce cas-là, ça passe un peu moins, à mon avis. Genre. Du moins pour le Bob. Oui, exactement. Ben, c'est la ligne qu'on se donne, puis en même temps, si on se dit, ben, on tombe dans l'abstraction, justement, on est sorti de l'absurde, donc c'est plus exactement l'objectif qu'on s'était donné au départ. Effectivement. Et qu'est-ce qui t'avait amené au départ, Joël Sim, à lancer ce fanzine-là? Parce qu'on disait c'est 25 numéros, donc il y a 7 ans, qu'est-ce qui fait qu'on s'est dit, ben ok, on se lance, on fait un fanzine? Bon, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai le Bob en tête, qui n'a pas toujours été le Bob, mais depuis que je suis enfant, puis que je connaissais l'existence des revues de bande dessinée qui étaient inexistantes au Québec, je me disais, il faut ça au Québec. Mais si j'arrête ça, je le lirais. Je lisais Safarir, puis Crow, mais en restant toujours avec je veux une revue de bande dessinée. C'est que moi, quand je vais avoir l'expérience pour le faire, je vais le faire. Puis j'ai fait des prototypes au début des années 2000, puis finalement, j'ai dérivé vers la peinture puis la musique pendant un bout. Puis quand je suis revenu en bande dessinée, j'ai recommencé à travailler avec un de mes amis d'enfance, Gugu. Puis on s'est remis à faire de la bande dessinée, puis le fait que j'avais mis le Bob en suspens est apparu lui-même, puis ça fitait à ce moment-là. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'on a réussi à le garder aussi longtemps? Parce que souvent, les fanzines, c'est une dizaine, une quinzaine de numéros, puis après ça disparaît. C'est un écosystème qui est assez varié. Et à travers ça, ben, on trouve justement le Bob qui est là depuis 7 ans, qui se maintient, qui continue à produire. En fait, d'une certaine manière, je pourrais dire que j'ai pas vu le temps passer. J'ai tellement de plaisir à faire ça qu'au party d'anniversaire, j'ai fait 7 ans, on dirait que ça fait 2 ans, j'ai pas l'impression que ça fait 7 ans, mais il y a aussi là-dedans que j'ai une tête de cochon, puis j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime à tout prix, si on veut. Et est-ce que c'est aussi avec le recul ou en regardant l'avenir, est-ce qu'on se dit, ben ok, si on aimerait ça faire évoluer la forme vers d'autres types, tomber peut-être dans l'édition plus traditionnelle ou développer des projets parallèles avec la génération actuelle du Bob? Ben, pour chaque auteur, c'est une histoire différente, genre, de plus en plus dans le Bob, on a des professionnels qui publient d'un côté puis de l'autre. Moi, de mon côté, j'ai envie de faire le Bob puis de continuer son évolution comme ça avance tranquillement le plus longtemps possible. Et j'imagine qu'en même temps, c'est le genre de format qu'on préconise parce qu'il y a une liberté éditoriale qui est absolue. Totalement. En fait, je veux dire, tu fais ce que tu veux. C'est quasi carte blanche pour tout le monde dans le Bob, en tant que ça reste dans la ligne éditoriale qui se façonne par tout le monde finalement. Puis j'imagine aussi côté financement, il doit y avoir des périodes plus difficiles, oui, d'autres plus, oui, faciles. C'est... Ben, en fait, le tirage du Bob est lié directement au budget qu'on a. Genre, c'est instable. Des fois, on en produirait plus, mais ça dépend toujours du budget qui est toujours balbutiant, mais toujours existant quand même. D'ailleurs, j'aimerais remercier nos commanditaires de longue date, la Tabèche Saint-Jean puis Planète Multiservice, notre imprimeur qui nous soutient depuis le début. Puis récemment, librairie Philactère. Oui, parce que dans le fond, l'avantage aussi, j'imagine, de la durabilité comme ça, c'est de pouvoir établir et développer un réseau de distribution, parce que le nerf de la guerre pour être lu, c'est d'être distribué. Ouais, c'est vraiment le côté le plus difficile dans ce milieu-là, parce que des Bob, je suis sûr que je serais capable d'en vendre 1000, 2000 sans exagérer, mais il faut une infrastructure vraiment grande pour ça, et des pubs, un réseau de distribution professionnel, puis là, ça engendre beaucoup de coûts, puis une structure qui était difficile à gérer. Oui, parce que j'imagine que dans ce sens-là, la montée en puissance du web devient aussi une avenue qui doit être quand même assez intéressante pour... Bon, en fait, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de publier le Bob sous format numérique, mais je trouve que le format s'y sied pas, des pages 8,5 inches, où c'est moins, ça fait moins... Moi, ce que j'aime sur le net, c'est des trucs courts, des strips, ben, des feuilletons en très, très courte page, si on veut, genre, comme le Stitcha, en format manga, un peu, genre. C'est la raison d'ailleurs pourquoi j'ai parti le Boblog qui est des trucs plus courts, plus adaptés au web. Si je ferais quelque chose pour le web, je ferais quelque chose qui est adapté pour le web. Ouais, un peu dans le fond dans la même logique qu'avec l'exposition, mais t'as dit, mais plutôt que de faire des planches traditionnelles, mais faisons quelque chose d'adapté à l'exposition plutôt que de reprendre quelque chose qui existait déjà. D'ailleurs, j'aimerais souligner le travail de Julien Dufour qui a monté les cadres pour l'exposition, puis qui a vraiment adapté ça au goût du bar, parce qu'au début je pensais faire des petits formats, puis quand j'ai vu comment c'est fait le fou bar avec les grands murs de pierre, j'ai fait non, il faut quelque chose de plus rustique, quelque chose qui va fitter dans l'ambiance, qui va prendre la place. Puis je pense que il a bien fait ça. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que le fait d'avoir choisi de créer quelque chose d'original pour l'expo plutôt que de prendre des planches, ben ça évite aussi le défi de la contextualisation ou des fois trouver la planche qui peut fonctionner en dehors du spectre narratif. Effectivement, mais c'est aussi parce que je pense que je voulais dire. Mais on peut sauter, on fait. Parce que dans le fond, j'imagine que c'est aussi quelque chose qu'on n'attaque pas de la même façon. Si je te dis, ben compose-moi avec ton style BD un tableau plutôt que de créer justement une planche, ben la manière dont tu vas aborder ton matériel sera pas nécessairement la même. Je viens de me rappeler ce que je voulais dire, en fait. C'est que la plupart des auteurs du Bob travaillent numériquement de plus en plus, en fait. Genre, puis, c'est qu'il y a pas de produit original, finalement. Il n'y a pas de planche originale à mettre dans un cadre, puis à dire ça, c'est la planche originale, comme il y a souvent des expos en bande dessinée. C'est que le contexte d'exposer une planche a moins de valeur, si on veut. Ça serait un peu subjectif. Oh, je vais prendre cette planche-là, puis je vais l'imprimer. Tant qu'à ça, c'est même plus le fun de faire quelque chose pour le festival, parce que j'aime beaucoup le festival de la bande dessinée de Québec que je fréquente depuis le début du Bob, puis je suis vraiment content de mettre ma patte là-dessus. Alors, donc, on découvre l'exposition. Donc, ça, c'est jusqu'au 12 avril. Donc, c'est avec Matter Dog, Julien Dufour, Carl Dupéré, Richer, Draco, Takarsk, Alex A, Saturnome et Vincent Giard et Joël Sim. Donc, au Foubar jusqu'au 12 avril. Et également, le fanzine, le 25e, qui est disponible depuis février avec, ça reste dans la logique. Donc, des cinq derniers tomes, des cinq derniers volumes, toujours absurdes, toujours un peu déjantés. Effectivement. Alors, si on découvrait ça, tu pourrais-tu rappeler aussi le site web, si on voit un peu plus d'infos? Lebob.info. Mais en fait, je suis assez content de ça. Quand tu tapes le Bob sur Google, ça tombe sur nos pages. C'est assez le fun pour ça. Voilà. Mais Joël Sim, merci. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Et on se dit à la prochaine. Alors voilà, donc Joël Sim, qui est donc l'un des créateurs et le responsable du Bob. Et nous, on s'en va en musique, donc toujours avec la formation Marlowe, un petit extrait de Pilot Practice in Prehistoria. Et vous êtes toujours donc à l'écoute de La Vie en BD. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre un peu mes certains éléments, certaines propositions que je fais via blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Et avant de terminer l'émission, peut-être quelques petits regards BD. J'ai reçu des albums tout récemment. Je voulais juste signaler leur existence, peut-être d'un coup que vous les auriez échappé, manqué ou autre élément. Alors, il s'agit notamment de la réédition du Peter Pan de Régis Loisel, donc les 6 tomes de cette brillante série qui donc reprennent du service dans une nouvelle édition. Et sincèrement, ça vaut le coup. Évidemment, il s'agit ici d'un Peter Pan qui est très adulte dans les thématiques qui sont explorées. L'univers, le Londres qu'on découvre, c'est un quartier froid et miséreux. Un jeune garçon, donc au départ de ce premier tome, s'amuse à raconter des histoires avec donc des orphelins qui vivent la misère aussi. Il y a un homme qui arrive qui les chasse à coups de pied. Peter Pan se retrouve chez sa mère alcoolique qui le frappe. frappe et le force à sortir de la maison pour aller lui chercher de l'alcool. Finalement, il se retrouve dans un bar où il a à se dénuder pour avoir la flasque. Alors ça, c'est les premières pages. Ça donne le ton de cet univers que propose Loisel, qui est loin des autres regards qui ont été portés sur donc le Peter Pan de GM Barry. Et évidemment, c'est aussi à travers de cette série-là, en partant de cette prémisse, qu'on va découvrir au fil des pages et au fil des planches de quelle manière donc Peter Pan est devenu le Peter Pan qu'on connaît, celui qu'on connaît, donc une version du Peter Pan qu'on connaît, mais qui passe dans le pays imaginaire, rencontre la fée Clochette, etc. Donc on bâtit aussi au fil des pages le mythe. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Il y a des croisements presque qui sont faits en cours de route avec Jack l'Éventreur. Donc vraiment une relecture adulte et osée, en fait. On imagine le type de réaction qu'il y a pu avoir dans les années 80 où on prenait le mythe à contre-pied. Mais finalement, donc Loisel, au niveau du dessin, au niveau narratif, au niveau de la structure de l'ensemble, développe son argument avec brillance. Et donc, ce qui fait que on plonge dans son univers qui est extrêmement cohérent, qui suit, qui est logique, qui se tient, et on progresse au travers de lui là avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors ça, c'est Peter Pan, donc réédition. Et j'en profite aussi pour mentionner au passage, et pour faire un petit clin d'œil à une autre réédition, La Grande Guerre de Charlie. On en est rendu au tome 2 et on relance ça. Donc c'est de Pat Mills et Joe Colquhoun. Et sincèrement, là, c'est probablement une des meilleures BD sur la Première Guerre mondiale. Donc une intégrale qui est documentée, qui accentue le côté culte de cette série-là. Évidemment, Pat Mills, qu'on connaissait surtout pour des séries violentes, se transforme en un auteur quasi documentaliste. Il y a du détail, il y a des anecdotes, il y a un éclairage qui est passionnant sur le conflit, et au niveau dessin, c'est très réaliste également. Alors sincèrement, si vous avez l'occasion de le feuilleter en librairie, faites-le, peut-être que vous aurez envie de faire un peu plus par la suite, mais au bout du compte, on peut dire qu'on est en train de nous proposer en version intégrale, que ce soit d'un bout à l'autre ou de manière progressive, deux incontournable de la sphère BD-esque. Alors voilà, c'est nous là-dessus qu'on conclut cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, comme à l'habitude, une autre belle émission pour vous qu'on vous proposera. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et passez une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.